L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Voilà une belle découverte qu'on n'attendait pas. Le halo de gaz chaud de notre galaxie tourne à la même vitesse que le disque galactique. On pensait jusqu'ici qu'il était quasi statique. On doit cette découverte à trois astrophysiciens américains qui ont exploité des données enregistré par le télescope spatial européen XMM Newton. Edmund Hodges Clark, Matthew Miller et Joel Bregman travaillent tous les trois à l'université du Michigan et ils ont exploré la dynamique du halo de gaz chaud entourant notre galaxie grâce à l'effet Doppler apparaissant sur une raie d'absorption très spécifique, la raie de l'oxygène ionisé 7 fois. La raie O7. Cette raie se situe dans le domaine des rayons X de faible énergie, à 570 électronvolts, ou 2,16 nanomètres, si on l'exprime en longueur d'onde. XMM Newton a été utilisé pour étudier cette raie d'absorption en scrutant de très distantes galaxies, et surtout leurs noyaux actifs. Or, la lumière de ces galaxies lointaines, avant de nous parvenir, doit traverser ce qui entoure le disque de notre propre galaxie, son halo de gaz. La lumière des galaxies lointaines en rayon X est alors absorbée à certaines longueurs d'onde caractéristiques, dont celle de cette raie O7. L'effet Doppler, ou décalage spectral, apparaît lorsque la source d'émission ou d'absorption se trouve en mouvement par rapport à l'observateur. L'ensemble du spectre est décalé vers le rouge, les plus grandes longueurs d'onde, lorsqu'il y a éloignement, et inversement, vers le bleu, les plus petites longueurs d'onde, lorsque l'observateur se rapproche de la source. Le plus important est que ce décalage spectral est directement proportionnel à la vitesse d'éloignement ou de rapprochement. En mesurant avec précision ce décalage, les astronomes peuvent alors en déduire la vitesse de la source d'émission ou d'absorption. Pour essayer de mesurer la vitesse du gaz chaud de notre galaxie et tenter de montrer l'existence d'une rotation, il faut donc observer plusieurs sources identiques, la raie d'absorption O7 du gaz, dans différentes directions du ciel. C'est ce qu'ont fait nos trois chercheurs grâce à de nombreuses galaxies lointaines leur servant de phare dans la nuit. Ils ont publié leur jolie découverte dans The Astrophysical Journal il y a quelques semaines déjà. Le gaz chaud qui entoure notre galaxie en formant un vaste halo sphérique est très chaud, 2 millions de degrés. Jusqu'à maintenant, les astrophysiciens pensaient que cette grande masse de gaz, plusieurs fois plus grande que le disque d'étoiles, était pratiquement statique et que le disque de notre galaxie y tournait en son centre. Mais Hodges, Clark, Miller et Bregman montrent non seulement que le gaz est en rotation, mais qu'il tourne dans la même direction que le disque de la galaxie et que, en plus, il le fait avec une vitesse qui est très proche de la vitesse qui est celle des étoiles dans le disque. La vitesse de rotation du halo de gaz chaud qui est mesuré vaut 183 plus ou moins 41 km par seconde, à comparer avec les 250 km par seconde du disque d'étoiles. Cette découverte apporte une information cruciale sur l'histoire de la Voie lactée. Elle dit que c'est très probablement cette atmosphère de gaz chaud qui est l'origine de la majorité de la matière composant le disque galactique. Elle ouvre dans tous les cas une nouvelle porte de compréhension de la formation des galaxies. Suite à cette première mesure cinématique du genre, une première mesure systématique, la rotation du halo de gaz chaud de notre galaxie va devenir, à n'en pas douter dans les années qui viennent, un sujet d'étude très prisé dans la communauté astrophysique. L'article Miracle de Edmund Hodges Clark et ses collaborateurs, est donc paru dans The Astrophysical Journal, numéro 822. Et il a pour titre The Rotation of the Hot Gas Around the Milky Way. Très simplement, la rotation du gaz chaud autour de la Voie lactée. Restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers des galaxies se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission, comme toujours, sur iTunes. Vous la retrouvez également sur podcloud.fr ainsi que sur Stitcher. Et d'ici la prochaine, je ne vous souhaite rien d'autre qu'un très bon ciel. Restez bien d'ailleurs les yeux là-haut au ciel et les pieds sur terre. Allez, à très bientôt. Salut !